Lettre 198 de Thérèse à l'abbé Maurice Bélière le 21 octobre 1996. JMJT, Jésus. Carmel de Lisieux, 21 octobre 1996. Monsieur l'abbé, notre révérende mère étant malade, m'a confié la mission de répondre à votre lettre. Je regrette que vous soyez privé des saintes paroles que cette bonne mère vous aurait adressées, mais je suis heureuse d'être son interprète, et de vous redire sa joie en apprenant le travail que notre Seigneur vient d'opérer dans votre âme. Elle continuera de prier afin qu'il achève en vous son œuvre divine. Il est, je pense, inutile de vous dire, monsieur l'abbé, la grande part que je prends au bonheur de notre mère. Votre lettre de juillet m'avait fort affligé, attribuant à mon peu de ferveur les combats qui vous étaient livrés. Je ne cessais d'implorer pour vous l'assistance maternelle de la douce reine des apôtres. Aussi ma consolation a-t-elle été bien grande en recevant, pour bouquet de fête, l'assurance que mes pauvres prières avaient été exaucées. Maintenant que l'orage est passé, je remercie le bon Dieu de vous l'avoir fait traverser, car nous lisons dans nos saints livres ces belles paroles: bienheureux l'homme qui a souffert la tentation, et encore, celui qui n'a pas été tenté, que sait-il? En effet, lorsque Jésus appelle une âme à diriger, à sauver des multitudes d'autres âmes, il est bien nécessaire qu'il lui fasse expérimenter les tentations et les épreuves de la vie. Puisqu'il vous a accordé la grâce de sortir victorieux de la lutte, j'espère, monsieur l'abbé, que notre doux Jésus réalisera vos grands désirs. Je lui demande que vous soyez, non pas seulement un bon missionnaire, mais un saint, tout embrasé de l'amour de Dieu et des âmes. Je vous supplie de m'obtenir aussi cet amour, afin que je puisse vous aider dans votre œuvre apostolique. Vous le savez, une carmélite, qui ne serait pas apôtre, s'éloignerait du but de sa vocation, et cesserait d'être fille de la séraphique Sainte Thérèse, qui désirait donner 1000 vies pour sauver une seule âme. Je ne doute pas, monsieur l'abbé, que vous voudrez bien aussi joindre vos prières aux miennes afin que notre Seigneur guérisse notre vénérée mère. Dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, je serai toujours heureuse de me dire, votre indigne petite sœur, Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face. Marc Emdan, archive.org, d'après archivecarmeldelisier.fr, licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique.